M'en fous de savoir quelle heure il est, les pas une attente, pas comme le rêve. J'suis pas en manque d'aspiration, je vais faire plaisir à mes vrais. J'peux me taire que c'est au menteur, alors cherche pas l'air de la guerre. Et le chaos, pas plus déter, pas là pour te faire pleurer à l'envers. N'attends pas la fin du mois pour avoir des love dans les doigts. Ça m'empêche pas de fumer le mic comme à Cuba. Veulent me pister, savoir où j'écris mes textes, savoir si verbal prod sera toujours dans sa worse. Ils veulent tous se refaire, se défaire de leur découvert. Mais ils savent pas que le coup le plus puissant c'est le revers. Aucune concurrence, t'as pas mon level, non ne clash pas. J'me fâche pas quand j'dis un truc, non j'me cache pas. J'm'enferme dans 10 mètres carrés, j'avance, je peux pas me garer. Comme un double poney, ton flow m'arrive au pied. RAS aux alentours, que des mecs parés. 35 ici, on demande pas comment démarrer. Pour faire les bails en ADC, RAS. Pas besoin de peur dans les carcés, RAS. Ce que tu grattes sur le papier, c'est parcours de blédard. Pour se défaire de cette image, il est trop tard. Je vais m'isoler chez Verbal comme tous les soirs. Comme un couche-tard, je pars, je me tape des barres. Non, ne laisse pas tes potes de côté. Un jour c'est sûr, tu verras ta confiance des côtés. T'as cru que les gens étaient là pour t'écouter. Si t'écoutes la légende, c'est que t'es dégoûté. Vas-y, je reprends, trop de trucs dans la tête, trop de trucs sur le cœur. Pas de feu stop quand je roule dans la rancœur. Ne mâche pas les mots, de toute façon MC ton beatmaker. J'élimine tous les guetteurs, appelle-moi Walker. Je me surprends à vivre sans dette, sans peine, sans crête. Même si la défaite me guette, m'arrête en secrète. Mais à côté de ça, c'est la S. C'est la crise, ouais, mais RAS. Pour faire les bails en ADC, RAS. Pas besoin de porte dans les carcés, RAS. Ce que tu grattes sur le papier, c'est RAS. Pas besoin de porte dans les carcés, RAS. Ce que tu grattes sur le papier, c'est